Ça va ou quoi, Renaud? Tranquille. Ouais. Putain, je suis vénère, il fait un sale temps là. Tu m'étonnes. Putain, hey, t'as pris pour Loïc? Ouais, ouais, je sais, c'est dur. Ouais, c'est dur, chaud, je suis vexé même. Attends, t'inquiète. Tu sais, ce matin, je regardais la télé là, il parlait toute la merde qu'il y a dans le monde. La guerre, la violence, la famine, tous les mauvais trucs quoi. Ouais. Et tout ça, c'est à cause de quoi? Un seul truc, l'argent. Ah, toujours ouais, l'argent. Je l'ai dit, gars, l'argent. Et tout ce qu'il montrait, ça avait l'air de se passer en dehors d'ici. Hein. Rien sur ce qui se passe chez nous, rien sur ce qui est arrivé à mon gars, rien du tout. Ici, il n'y a pas de taf. Après, il s'étonne qu'on fasse de l'argent salement. Il en a marre. Ah ouais. En plus, il ne faut pas que j'aille en prison. Hein. Ah, gars, c'est pas bon. Faut pas que je fasse comme mon père. Hein. Sinon, ma mère, laisse tomber. Là, elle crève. Là. Si j'y vais, elle crève. Ah, c'est chaud, sinon. Mais faut bien que je fasse un dièse, là. Faut bien que je fasse un petit truc. Je voulais rentrer dans les ordres. Ah, déconne, mec. Ah non, là. Ah ouais, non, franchement, gars. Franchement, non, c'est pas possible. J'aime trop les meufs pour ça. Toi-même, tu sais. T'es pas le seul, gars. Mais franchement, je crois que je vais m'engager dans l'armée, là. Au lieu de traîner dans les rues. Comme ça, au moins, la mater, elle sera fière de moi pour une fois. Oh. Je serai peut-être un héros. Hein. Oh, Renaud, là, tu délires, là. Non, non, sérieux, hein, je vais recevoir ma lettre là, d'incorporation, là, bientôt, là. Mais avant, je te dis, hein, il faut qu'on fasse un truc. Je sais pas, un truc, n'importe quel truc pour ceux qui souffrent. Ah ouais? Eh, hey, c'était chaud, moi, je suis partant, hein, c'est quand tu veux. Il est temps qu'on lève la voix pour les démunis.